C'est aujourd'hui, de Francis James. 8 juillet 1894, dimanche Sainte Virginie, le calendrier. C'est aujourd'hui la fête de Virginie. Tu étais nue sous ta robe de mousseline. Tu mangeais de gros fruits au goût de Mozambique, et la mer salée couvrait les crabes creux et gris. Ta chair était pareille à celle des cocos. Les marchands te portaient des pagnes couleur d'air et des mouchoirs de tête à carreaux jaune clair. La bourdonnaie signait des papiers d'amiraux. Tu es morte et tu vis, ô ma petite amie, amie de Bernardin, ce vieux sculpteur de Cannes, et tu mourus en robe blanche, une médaille à ton cou pur dans la passe de l'agonie. Fin du poème. Enregistré par Christiane Jehan. Cet enregistrement fait partie du domaine public.